cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma huwa al-farq bayna al-Rab wa al-Ilah? Al-farq bayna al-tawqid al-tawqidah wa al-tawqid al-tawqidah wa al-tawqid al-tawqidah wa al-tawqid al-tawqidah wa al-tawqid Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, dans son charh, il a détaillé qalilan hadha li anna c'est muhim. Man fahima hadha al-farq. Incha'Allah, kathir min al-masail, satakoun indahu wadiha kash-shams. Wa illa fa kathirun min al-nas khallatu wa takhattatu fi hadhihi al-masala. Ils ont mélangé, ils n'ont pas su c'était quoi la différence entre Ar-Rab, Azza wa Jal, et ma'na Ar-Rab, Subhanah, et ma'na Al-Ilah. Fa'ar-Rab, huwa Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Jalla wa'ala. Celui qui donne la vie, celui qui crée, celui qui donne la mort, celui qui guide Azza wa Jal. Wa ma'na Al-Ilah, Al-Ilah, ay Al-Ma'boud. Celui qui mérite d'être adoré. بعض الناس يعترفون ويؤمنون أن الله عز وجل هو الرب لكن يشركون في العبادة. Ils reconnaissent et ils croient أن الله عز وجل c'est le créateur, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, il a créé, لكن il lui donne des associés في العبادة. وهذا لا يصح ولا Et vous faites chayan, c'est d'aucune utilité. Voilà. Et le début de Kashf al-Shubuha, c'est fi tahqiq hadhihi al-mas'ala al-'azima, la différence entre tawhid al-rububiyyah, tawhid al-uluhiyyah, la différence entre ma'na al-rabb et ma'na al-ilah. Ce point il est important. Allez, hada Cheikh al-Islam rahimahullah هذه الرسالة النافعة il a beaucoup insisté au départ. Il y en a celui qui a compris cette muqaddima, inshallah le reste ça sera très très simple. قال رحمه الله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع أنواع العبادة كلها لله. C'est ça, din al-islam. Il est fondé sur ce pilier, sur la ilaha illallah. أي أنه لا يستحق أحد العبادة إلا الله وحده سبحانه. Que ça soit al-dhabh, que ça soit al-salah, que ça soit al-du'a. Que ce soit l'istighatha ou l'isti'ana, même une ibada, on n'a pas le droit de l'accomplir pour autre que Allah. Azza wa Jal. Falihada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qatala ha'oula, al-mushrikin, malgré que كثير منهم, ils ont reconnu أن الله عز وجل, c'était le créateur. Ils ont reconnu هذا. Et أن الله عز وجل, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, il a akhiré, lakin, malgré cela, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاهدهم وقاتلهم قال الشيخ الفوزان حفظه الله أي لا يكون بعض ذلك لله وبعضه للبدوي وبعضه لله وبعضه للحسين لابد أن يكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله وهذا هو الدين الصحيح قال وأما أن تكون العبادة مشتركة بين الله وبين القبور والأضرحة والأولياء والصالحين فهذا ليس هو التوحيد فبعض التوحيد الذي بعث الله به عز وجل الرسل وأنزل من أجله الكتب أي دوني أن أسوسي الله سبحانه وتعالى في العبادة سكونتخدي التوحيد سيبا التوحيد سيبا التوحيد أوتنتيك وكذلك سكونتخدي التوحيد بالكلية قال بل هذا هو دين المشركين وإن كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية ويصوم ويصلي ويحج ويعتمر إلى غير ذلك هذا دين المشركين اللي فوندي سور الشرك فمم سي سو مشرك يغكونا أن الله عز وجل سي الخالق وحده سي الرزاق عز وجل وحده سي المحيي سبحانه وحده مم سي يغكونا توسا إي في الصلاة إي في الصيام يجل إي في الحج لكن يشرك بالله عز وجل في عبادة ولو واحدة صالو في سورتير دو الإسلام Et toutes ces œuvres, هذا الإيمان بالله عز وجل et هذه الصلاة وهذا الحج وهذا الصيام c'est d'aucune utilité. لماذا؟ لأن الشرك الأكبر سأنيل toutes les œuvres. كما قال عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك فعمله أي عمل المشرك إلى غير مقبول عند الله. Donc deux choses هنا. La première est la cité حفظه الله في الشرع ولو سي هذا الإنسان يغكن أن الله عز وجل سي الرب سي دوك الوتيليتي سي في الشرك في العبادة سي لاسوسي اون كرياتور الله دون لادوراسيون وكذلك دوزيام شوز تقدمت معنا أن ولو سي هذا المخلوق إلى فضل عظيم عند الله ميم سي سي ان رسول ميم سي سي ان ملك ميم سي سي ان صالح لا يجوز de lui donner quoi que ce soit min al-ibada. Troisième chose, il a cité كذلك في الشرع ولو صام ولو صلى ولو زكى même s'il adore Allah subhanahu wa ta'ala لكن il accomplit une ibada pour autre qu'Allah عز وجل malgré qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala مثلا il fait الصلاة في الحج في الصيام لكن il sacrifie pour les morts لكن il demande aux morts عياذا بالله هذا ça lui annule tout. لماذا؟ لأن الشرك الأكبر سأنيل لعبادات ولو دزاني سأنيلتو c'est pour ça que c'est très très grave. قال رحمه الله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام هذا ولله الحمد تكرر معنا on a beaucoup répété هذا depuis le début du livre فنقرأ ces passages qu'on a déjà étudié ensemble كثيرا قال أي لما كان إقرارهم بتوحيد الربوبية الذي ذكره الله عنهم وسجله عليهم لم يدخلهم في الإسلام دل على أن التوحيد المطلوب ليس هو توحيد الربوبية وإنما هو توحيد الألوهية وهو الفارق بين المسلم والكافر vu que توحيد الربوبية أي reconnaître الله سبحانه وتعالى en tant que créateur إلى آخره ça suffit pas pour entrer في الإسلام et استفدنا ولله الحمد dans tous ces دروس أن ce qui fait rentrer l'insan في الإسلام c'est توحيد الألوهية توحيد العبادة أي prononcer la شهادة et l'appliquer أشهد أن لا إله إلا الله أي témoigner que celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul c'est sa شهادة أما celui qui témoigne أن الله c'est le créateur et il adore autre qu'Allah façon témoignage il est d'aucune utilité لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قولوا لا إله إلا الله il a appelé جميع الناس à dire cette shahada à adorer Allah seul c'est pour ça on se répète que le mushrikoun ils ont refusé de la dire أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب هكذا قال ils ont compris que la ilaha illallah c'était pas tawhid al-rububiyya ils ont compris que la ilaha illallah أولا il faut les délaisser toutes les idoles ثانيا il faut les adorer Allah seul قال أما توحيد الربوبية فكل مقر بها المسلم والكافر وهو لا ينفع وحده أما قوله لا ينفع وحده ne pas faire l'erreur de dire أن توحيد الربوبية ça sert à rien عيادا بالله لا بل c'est من الإيمان الإيمان بالله c'est الإيمان بالربوبية وبالأسماء والصفات وبالألوهية لكن وحده لا يكفي لأن المشركين ils ont reconnu هذا ça les a pas fait rentrer في الإسلام Iblis, il a reconnu que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé. Ça ne l'a pas fait rentrer dans l'islam. Tawhid al-Rububiyya, wahdahu la yanfa. Tawhid al-Rububiyya, c'est très très important, mais ça implique une chose, azima. Mahi, faddal. Ma dalil. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum wa adilla kathira. أي أن الرب سلوي كي ميريت تتخدغي فتوحيد الربوبية سأمبليك الألوهية وإلا وحده فلا ينفع سدوك نجلتي لأن كثيرا من الناس يزغوكوني هذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت بحكي مالغي رسولا ثم قال رحمه الله وإن قصدهم الملائكة والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. أي c'est cette chose, c'est pour cette raison que le Nabi صلى الله عليه وسلم il les a combattus. قال أي أنهم لم يقولوا إن الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يعبدونهم يخلقون. Ils n'ont jamais prétendu ça. Ils n'ont pas dit أن اللات c'est le créateur. Ou Manat, c'est le créateur. Ou l'Uzza, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Ou Hakadal Mushrikoun à notre époque. Ils disent pas que Sidi Foulen, c'est le créateur. Là, ils ont une choubha avrima. Ayyadam billah. Kala. Alladina yaboudounahum yakhlukun wa yarzukun wa yuhyun wa yumitun. Ma kaluhala wa innamat takhazouhum shufa'a wa wasa'it bainahum wa bainallah. Kama kala ta'ala wa yaboudoun min dounillah. ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه شبهتهم. Pourquoi ils les ont adorés, pas parce qu'ils avaient la conviction que c'était des créateurs là, lakin pour que ces idoles, cette statue, ce mort, ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ما أرادوا منهم إلا الشفاعة وزعموا أن هذا تعظيم لله يقولون الله عظيم. ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا لكن نتخذ من يوصل إليه حاجتنا نعم أو حاجاتنا من عباده الصالحين. فتأملوا أن القصة التعظيم ne pas comprendre أن هؤلاء ils insultaient الله سبحانه وتعالى أو ils voulaient pas se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى. لا كثير منهم كثير من المشركين ils veulent adorer. لكن عيادا بالله ترى مو بهذه المعنيه. فلهذا قال عز وجل ويعبدون من دون الله. C'est ça qui les a fait sortir de l'iman, انهم يزادوا autre qu'Allah. La cause c'est quoi si tu te poses la question لماذا؟ قال عز وجل ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون. C'est ça la cause. اي يقولون اي المشركون. Pourquoi ils adorent autre qu'Allah؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. La preuve, ce verset, il est clair, Naomi voulait se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'ils ont pris ces intermédiaires. Lakin, on n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des intermédiaires. C'est ça, shirk. Le shirk, c'est adorer Allah et adorer un autre. L'ibada, c'est haqqunillah, donc on doit l'adorer seul. Qala, hafidahullahu ta'ala, فَقَاسُوا اللَّهَ عَلَى مُلُوكِ الدُّنْيَا الَّذِينَ يُتَوَسَّطْ عِنْدَهُمْ أَوْ يَتَوَسَّطْ عِنْدَهُمْ أصحاب الحاجات بالمقربين عندهم فهم لم يعتقدوا فيهم أنهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال إن الشرك هو اعتقاد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. Et ce point il est important. قاس الله قاس قاس c'est un فعل ça vient de القياس. في الحقيقة ils ont comparer Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala, c'était comme les rois qui sont créés. Le roi de tel pays ou le gouverneur de tel pays. Certaines choses, comme tu as dit, tu ne peux pas leur demander directement. Les malades, les anahoum, ils sont occupés, les anahoum, ils n'ont pas le temps d'accepter tout le monde, d'écouter tout le monde. Ils sont protégés, les malades, les anahoum, ils ont un haut rang. Il m'a des gouverneurs, il m'a des rois, il m'a des présidents. Al-Muhim, pour pouvoir accéder à Ha'oula, leur demander une chose, il faut passer par un intermédiaire. Il m'a un proche de sa famille, il m'a de ses conseillers, il m'a de ses ministres. Muhim, il faut une connaissance. Ha'oula, qasullah, subhanahu wa ta'ala, avec Ha'oula, ils ont pensé que pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur réponde, il accepte leur adoration, il fallait demander ou passer par quelqu'un qui est aimé indallah. Exactement comme fit Dunya. Mathalan, tel roi, tel gouverneur, si tu connais très très bien son frère, ou tu es un proche mathalan de sa femme, mathalan des liens de famille, de parenté avec sa femme, ou tu connais très bien son frère, ou tu es son voisin, mouhim, il y a un lien, chakannahu, il t'écoutera dans beaucoup de choses, contrairement à un étranger qui n'a aucune connaissance, aucun lien. Ha'oula al-masakin, ils ont fait ce qiyas ma Allah. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de personne. Allah, il entend tout. Amma ce roi, l'imad, il a besoin d'intermédiaire. L'imad, il n'a pas beaucoup de temps. Il n'a pas la capacité d'écouter tout le monde. L'imad, il a peur pour son moule. il craint pour sa responsabilité. Un nawahid, s'il le rapproche, Rabbama, il lui fait du mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il craint personne. Il a besoin de personne. Il sait tout, il entend tout, il voit tout. Demande-lui. Demande-lui et il répond. Ce point, il est important. C'est la cause du shirk. Al-Qiyas. Et avoir, ils ont pensé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est comme les rois qui sont créés, iyadam billah. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Malik. C'est le Jabbar. C'est le Khaliq. Il n'a besoin de personne. C'est le Hayy, c'est le Qayyum. Tout le monde a besoin de lui. On n'a pas besoin de ses intermédiaires. قال فهم لم يعتقدوا فيهم انهم يخلقون ويرزقون كما يقول الجهال ان الشرك هو اعتقاد ان احدا يخلق مع الله او يرزق مع الله هذا التعريف اللي منتشر بعض الناس يفونس هذا ان الشرك سي كوا سي لو فيت دو دير كو فلان سي ان كرياتور او فلان اي دون لا في اي دون لا مور الى اخره هذا الشرك في الربوبيه اي سا اكزيست عياذا بالله البعض يفون دو الشرك حتى في هذا لكن سي با كو سا الشرك الشرك سي سا بو اتر في الربوبية اي كذلك سي في العبادة اي كو سا سوا في الربوبية او في العبادة سا انول الاسلام لكن البعض يزون بونسي كو الشرك سيتي كو في الربوبية قال هذا ما قاله احد من عقلاء بني ادم نعم من العقلاء اما بعض المجرمين الان يزون عطنا انيمو في الضلال كغلاة الروافض وغلاة الصوفية انهم يعتقدون في بعض الأئمة أو السادة أنهم إذن كريت الشوز سيكجير هذا الكون عياذا بالله هؤلاء لا دين ولا عقل أما عاقل من العقلاء لا يدعي هذا أبدا من سيسا كافر قال وإنما قصدهم الشفاعة في الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أتأملوا سيدو بيرسير Le premier, تقدم معنا من سورة يونس, et le deuxième من سورة الزمر. Le premier, قال عز وجل, ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أي هؤلاء, c'est des intermédiaires. C'est eux qui vont nous rapprocher d'Allah عز وجل. هكذا قالوا عياذا بالله. Le deuxième, قال, إلا ليقربون إلى الله زلفا. أي, كذلك, se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى, c'est le même sens. Pour se rapprocher d'Allah, ils ont cru qu'il y avait besoin d'un intermédiaire. Et هذا c'est باطل. Comme من أدلة. Combien de preuves في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ces intermédiaires c'est باطل. Et Inch'Allah, سيأتي معنا في هذا الكتاب beaucoup de preuves à ce sujet. قال يقولون نحن عباد ضعفاء والله جل وعلا شأنه عظيم ولا نتوصل إليه فهؤلاء يقربون إلى الله بزلفى. Exactement comme ils font avec Moulouk al-Dunya. Yaqulun nahnu ibadun du'afa. Aïe, ils prétendent et ils disent Anahum c'est du'afa, personne ne les écoute. Ils n'ont pas un rang élevé pour être reçus par tel roi ila akhari. Ils ont appliqué exactement la même chose avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il répond au ghani et au faqir. Le riche et le pauvre, celui qui est en bonne santé, celui qui est en mauvaise santé. العرب والعجم les arabes les non arabes les blancs les noirs Allah subhanahu wa ta'ala il répond au muttaqun tant que l'insan il est à la tawhid et il a une bonne intention et il veut le khayr et il demande avec des azkar mashru'a sans bid'a sans shirf Allah subhanahu wa ta'ala il lui répond amma ha'ula anzuru ils ont pensé que à cause de leur statut Allah il n'allait pas leur répondre donc ils ont cherché une solution hakada celui qui cherche des solutions Il s'écarte du Coran et de la Sunnah. Ha'oula, ils voulaient se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont délaissé la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il leur a montré Allah, la seule voie pour que Allah soit satisfait de Ha'oula, c'est de suivre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont refusé. Kibrun wa inadun wa i'rabun wa sab wa shatn, des accusations, de la moquerie. Les malades, ils ont l'orgueil. Celui qui veut que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui, il n'y a aucune solution illa suivre le Coran ou le Sunna. On a tout ibn afsak avec des autres solutions. Ah ben, then, ça marchera. Je fais un exemple fi ha'oula. Qala shabbahu Allah bi muluk ad-dunya hadha huwa aslu al-kufr fa dalla ala annahum lam ya'taqidu fihim ash-shirk fi ar-rububiyyah wa innama ya'taqidu fihim ash-shirk fi al-uluhiyyah fa idha sa'alta ay wahid al-an yadhbah lil-qubur أو ينذر لها ما الذي حملك على هذا لا سي امبورطون لأنه سأصل فأصل الكفر أصل الشرك سيت شبهة أي القياس قياس الله سبحانه وتعالى افيك المخلوق فرجي مثل هذه الأصول أن بعض الناس ils ont des connaissances في هذا لكن c'est pas fondé sur des أصول. Si tu lui demandes de détailler ou d'expliquer ou d'essayer de convaincre un autre, il n'y a pas rien. Il ne connaît pas les preuves et il ne connaît pas les fondements du tawhid et du kufr. Alors, le moindre doute, la moindre choubha que quelqu'un lui cite, il est tab. Mais celui qui connaît هذه الأدلة et il connaît هذه الأصول, أصل الدين c'est tawhid, comme tu as dit, أصل الكفر, أصل الشرك c'est cette choubha. Inch'Allah, ça sera très très simple pour lui. قال فإذا سألت أي واحد الآن يذبح للقبور أو ينذر لها ما الذي حملك على هذا Si tu demandes à n'importe quel mushrik, إما qui adore une tombe, ou un homme pieux, ou un ange, ou une statue, إلى آخره, si tu lui demandes, فإنهم يقولون كلهم بلسان واحد والله ما اعتقدنا أنهم يخلقون ويرزقون. نعم, أي ceux qui il a précisé ibadat al-qubur et ceux qui se disent musulmans malgré que leur fi'l ça annule l'islam mais si tu leur demandes l'imad est-ce que tu as la croyance que ce mort c'est le créateur celui qui t'a créé ça yaqul wallahi ma taqadna annahum yakhluqun abadan il te dira na'am c'est lui mon créateur là il te dira c'est Allah azza wa jalla qalu wa yarzuqun wa annahum yamlikun shay'an min as-samawati wal-ard وإنما اعتقادنا أنهم وصائت لأنهم صالحون يوصلون إلى الله حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا هذا قصدنا أي يديرون أن هؤلاء سيدي انترميديا vu que هؤلاء sont aimés عند الله إما c'est un rasoul إما c'est un nabi إما c'est un homme pieux إما c'est un savant إما c'est un ange إلى آخره ils vont te dire هذا il a une place عظيمة عند الله أنا je lui demande pour qui demande à Allah سبحانه ils ont comparé avec la créature تعلمون أن بعض الملوك أو بعض المسؤولين ربما il veut pas donner une chose أو il veut pas recevoir واحد il veut pas répondre à une demande à une requête لكن si c'est demandé par un intermédiaire qu'il aime il peut pas refuser إما il a honte إما il veut pas le vexer إما مهم une cause Ils prennent souvent des intermédiaires dans la dame et ils ont ce qu'ils veulent malgré que le responsable ne veut pas à la base. Amma fi haqqillah azza wa jal, ça ne marche pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il craint personne. C'est Rabb subhanahu. Qala, wa ma'a hadha sammahum Allahu mushrikeen wa amara nabiyahu bi jihadihim kama qala ta'ala. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد نعم أي الست هذه الآية في جهاد المشركين أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله malgré qu'ils ont reconnu أن الله عز وجل سر رب comme on a vu كثيرا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور ورحيم بس إن بشرى حتى بقول المشرك أنه سيف التوبة والله سبحانه وتعالى يتوب عليه فس un des fruits de cette étude أي étudier التوحيد c'est pour qu'on fasse attention نحن et qu'on mette en garde les autres et كذلك c'est pour que ce مشرك ne désespère pas Même si c'est un Yahoudi, un Juif, ou un chrétien, ou il a dans des tombes, ou n'importe quel kafir, s'il fait tawbah, ou tawbah la hachurut, et parmi les principales conditions, le fait de délaisser al-ma'asiyah. Al-mushrik, pour que hadi tawbah soit accepté, il faut qu'il délaisse shirk. Fa'in tabu, wa aqamu s-salah wa atu zaka, fa khallu sabilahum. Et ne les combattez plus. Les ma'adali annahum, c'est devenu. Des croyants, c'est vos frères. Et le croyant, il n'a pas le droit de combattre son frère. Inna Allah ghafurun rahim. Ghafurun rahim, même le mushrik, tant qu'il est vivant. Amma si il meurt, عياذا بالله الله سبحانه وتعالى يبغضن بق المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما أبخل ما في الشرك الأكبر الله اللي بغضن بق قال مع أنهم يقولون لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون مع الله إنما قصدنا اتخاذهم وصائد فنحن نذبح لهم وننذر لهم ونتوسل بهم لأن الله لا يصل إليه شيء من أمورنا إلا بواسطتهم هذا سوء الظن بالله qui est fondé sur le jahl, l'ignorance. Ils ont pensé Anna, si ils passent pas par cet intermédiaire, cette chose qu'ils font, Allah subhanahu n'arrivera pas عند الله سبحانه وتعالى. Ayyadan billah, on revient à la comparaison, c'est comme un ta wahed, il veut demander quelque chose à un roi, maintenant il écrit une lettre. Il a une demande à faire. Et il écrit une lettre. S'il n'a pas d'intermédiaire, il sait que cette lettre, elle n'arrivera pas. Les responsables reçoivent des milliers de lettres, à notre époque des mails. C'est pas tous les mails qui sont lus, c'est pas toutes les lettres qui sont lues. Est-ce qu'il y aura une réponse favorable? Il a appelé. Dans beaucoup de cas, ça n'arrive pas. Donc, en passant par l'intermédiaire, Obama, cet intermédiaire, il va poser cette lettre sur le bureau de ce responsable. Ben, Obama, il va l'inciter à la lire. Obama, il va lui lire. Obama, il va lui montrer qu'est-ce qu'il y a dedans. Fi hada al-hal, hada al-shakhs, il aura une réponse. Ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à Haoula. Ils ont pensé que ces ibadat, s'ils les font sans intermédiaire, ça n'arrivera pas عند الله سبحانه وتعالى. Hada, c'est très très grave. لماذا لأن الله عز وجل sait tout, il entend tout, il voit tout. بل الله سبحانه وتعالى avant de créer هذا الإنسان الله سبحانه وتعالى il a toujours su أن هذا العبد ferait telle chose à tel endroit telle heure إلى آخره. لا يخفى عليه شيء سبحانه. فكيف هذا الاعتقاد عياذا بالله؟ il est fondé sur سوء الظن. لماذا لأن هؤلاء connaissent pas الله سبحانه وتعالى حقيقة. أي على طريقة السلف avec ses noms et ses attributs. لا خرافيون فقط. Ils ont un إيمان هزيل عيادا بالله في الربوبية. Et cette شبهة دخلت عليهم بقوة. Ça les a éloignés d'Allah سبحانه وتعالى. فإذا ont pris des intermédiaires. وإلا ما من شيء. Celui qui fait ولو une petite chose, فالله سبحانه وتعالى يعلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. Celui qui fait une très très petite chose, si c'est du bien, il le verra يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. N'importe quelle حسنة que tu as fait, elle sera comptée يوم القيامة. قال هذه شبهتهم قديما وهذه شبهة عباد القبور اليوم تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وأفعالهم. من شبهة؟ La principale shubha de haoula al-mushriki, c'est ma yata'allaq bil-shafa'a wa al-tawassul. C'est la principale shubha, wa insha'Allah, dans ce livre, al-mu'allif, rahimahullah, il a répondu à cette shubha. Qala al-mu'allif, rahimahullah, arafta hina'idhin al-tawhid al-ladhi da'at ilayhi al-rusul wa aba anil iqrar bihi al-mushrikun. Et après tout cela, tu sais c'est quoi التوحيد الذي جاءت به المرسلون ودعا إليه جميع الرسل والأنبياء هذا التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أي أدغي الله سل قال الشيخ البوزان حفظه الله أي إذا فهمت ما سبق من الآيات البينات التي تدل على أن المشركين الأولين لم يشركوا بالربوبية وإنما أشركوا في الألوهية فاتخذوا الآلهة من دون الله لتقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم عنده إذا تبين لك هذا عرفت أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية وهذا c'est le résumé de tout ce qu'on vient voir ensemble tout ce qu'on a vu plutôt ensemble depuis le début de cette رسالة أي أن الرسل ils ont appeler leur peuple à adorer Allah Azza wa Jalla seul. Amma le fait de reconnaître en Allah Azza wa Jalla seul le créateur sans l'adorer ou en lui donnant des associés, c'est d'aucune utilité. قال وان الاقرار بتوحيد الربوبيه وحده لا يكفي ولا يدخل من اقر به بالاسلام ومعرفة ذلك أمر مهم جدا، إذ به يعرف التوحيد والشرك والإسلام والكفر، والجهل بذلك ضرره عظيم وخطره كبير، لأن الإنسان قد يخرج من الإنسان من الإسلام وهو لا يدري. العلم c'est très très important, surtout ses fondements. Connaître التوحيد الربوبية، connaître التوحيد الألوهية، connaître la différence، connaître أصل هذا الدين، أي أن التوحيد il est fondé sur النفي والإثبات. Se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître aslu al-kufr wa al-shirk, anna ha'oula, ils reconnaissaient anna Allah Azza wa Jalla c'est le créateur, lakin ils lui ont donné des associés fil ibada. Kadhalik, savoir anna la cause qui les a poussés à donner des associés à Allah Azza wa Jalla, c'est cette shubha al-mal'ouna, annahum ils ont pensé anna. Pour que Allah il accepte leurs œuvres, il faut passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire, il faut qu'il soit aimé indallah. Imma un nabi, imma un rasoul, imma un malak, imma un homme pieux. Thumma, il demande à cet intermédiaire et dans ce cas-là, ça sera accepté. Tout ça s'est fondé sur cette chose là où ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala au responsable, au roi parmi les êtres humains. Iyadam billah. Enfin, si tu as compris cette muqaddimah, Inch'Allah, tu auras des fondements solides via d'Albert. Et tout ce qui viendra après ou dans d'autres livres, tu auras cette base. Et le reste, ça sera des ajouts. Ou des réponses à certaines ambiguïtés. Ou des redoutes. Des répliques sur certains mouchriks. Et là, la base, c'est la même. Fahfadha. Wa fama. Et Inch'Allah, c'est des stafites. Qala wa ma'rifatu dhalik. Ou qara'na hala. نعم ما ignorer ces choses-là c'est très très grave. وتقدم معنا dans le درس précédent أن l'ignorance c'est pas une excuse dans tous les cas. Ça peut être une excuse à la صحيح même في هذا الباب كما تقدم. Si l'insan il est vraiment ignorant, il n'a pas la capacité de pouvoir apprendre, فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وفي الآية الأخرى حتى يتبين لهم الهدى ومن يشاقق الرسول إلى آخره حتى يتبين له الهدى فلا بد من أن الهدى تتبين له كي كومبخي الحجة إلى آخره لكن البعض يفون با ديفور البعض عياذا بالله تلمو كي يفون با ديفور أحيانا النصيحة لغيبة والحجة لو ريبريزونتي إي لا روجيت إذا سي تخي تخي الإنسان يفي ديزيفور في العلم إي أون ريبيت أن العلم سي هذا. Perdez pas votre temps avec autre chose. Al-ilm, c'est hada. Donnez du temps à la langue arabe, et à la langue arabe, ça vous permettra de vous améliorer fi tawhid. Et faites des efforts fi tawhid, hifdhan wa muraja'atan dans les durus, et vous verrez que, inshallah, celui qui est qawi bi hada al-bab, bab al-tawhid, bab al-aqida, tout le reste, ça sera simple pour lui. Limana li anna bi idnillahi azza wa jal, son cœur, il sera ferme. Il fait des efforts dans des choses autres que hada, une petite épreuve, il délaisse tout ce qu'il fait. Certains, maintenant, ils font que la langue arabe. Et ils ne donnent aucun ton à hada tawhid. Une petite épreuve, il délaisse cette langue arabe. L'imam, il a son cœur, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à patienter face aux épreuves. C'est quoi qui fait patienter face aux épreuves? C'est hada le peuple. قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. Tout ce qu'on vient de voir, أي في توحيد الألوهية, c'est معنى لا إله إلا الله. C'est le sens de لا إله إلا الله. قال أي معنى لا إله إلا الله هو توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية. فمعنى لا إله إلا الله c'est توحيد العبادة. Quand tu entends parler de tawhid al-ibada ou tawhid al-uluhiyya, c'est la même chose. Fa'lam anna al-murad c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah c'est tawhid al-uluhiyya. Et tawhid al-uluhiyya c'est la ilaha illallah. La tawhid al-rububiyya. Pas tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya c'est autre chose. La bud. On doit bien sûr croire en Allah Azza wa Jal Sirra. Lakin c'est pas suffisant. Cette croyance elle doit impliquer une chose azima. Et c'est cette kalima, la ilaha illallah. Allez, hada, al-mushrikoun, ils ne sont pas rentrés vers l'islam. لماذا؟ لأنهم يبخطوندي أنهم يركونسان الله سي الكرياتور إلى آخره. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Qulu la ilaha illallah, ay adorer hadha rabb. Vous vous rappelez les versets, Afala tattaqoun. Ay, après avoir reconnu Allah Azza wa Jalla, c'est le créateur, Afala tattaqoun, pourquoi vous ne l'adorez pas? C'est ça, al-muhim. Al-rububiyya, ça doit impliquer, hadha tawhid al-azim, ay, al-ibadah, elle doit être lillahi wahda. Qala. لأنه لو كان معناها توحيد الربوبية لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله لأنهم يقولون إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وإنه حينئذ يطلب منهم ما هو تحصيل حاصل ويقاتلهم على الشيء يعترفون به ويقرون به وهذا القول باطل. نعم سي معنى لا إله إلا الله سويت توحيد الربوبية فالنبي صلى الله عليه وسلم il aurait pas combattu هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم il aurait pas insisté أنهم ils doivent dire cette chose, cette كلمة عظيمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il savait أنهم cette كلمة leur أفعال leur faits et gestes ils contredisent cette parole أي leur شرك. فلهذا المشركون quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont refusé. لماذا؟ لأنهم ils ont compris le sens. Ils ont compris le sens et ils ont su que s'ils disent la ilaha illallah, ils doivent délaisser toutes leurs idoles. فلهذا ils l'ont pas dit. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنا. الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. نعم. هذا سيغراف. قال الشيخ البوزان هذا تعليل لما سبق في تقرير معنى لا إله إلا الله وأنه توحيد الألوهية لأن الإله عند مشرك العرب هو الذي يقصد لقضاء هو الذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر. نعم الإله سيسلوي كي أدور. فلهذا celui qui adore autre qu'Allah iyadan billah fayabud un ilah bibatil. Et celui qui adore Allah azza wa jal seul fa il adore un ilah al haq subhanahu. Al aliha si c'est autre qu'Allah c'est des aliha bibatil. Et si c'est Allah fa c'est Allah subhanahu wa ta'ala al ilah al haq azza wa jal. Qala وليس الإله عندهم هو الذي يخلق ويرزق ويدبر ليس هذا هو الإله عندهم فالشرك عندهم لم يقع في توحيد الربوبية وإنما وقع في توحيد الألوهية. Et ce point ولله الحمد on l'a répété souvent et il est compris. قال لم يريد أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فالإله عند المشركين الأولين c'était cette chose qui adorait من دون الله عز وجل que ce soit un ملك un prophète إلى آخر هذا لا يجوز لأن الإله c'est الله on n'a pas le droit d'adorer autre. أما à notre époque c'est la même chose وإلا le nom qui change السيد. السيد أي نوم بيو أحيانا سيبا نوم بيو لكن عند هؤلاء بخطان كسي صالح من الصالحين نوم بيو كيف يزيد في دين الله عز وجل أي إذ إكتاجه يكونستروي سور ساطن أي إلا دور من دون الله يبخطان كسي من باب التوسل. Et vu qu'il a fait beaucoup d'efforts في دين الله vu qu'il s'est sacrifié il a sacrifié sa vie il a أخره العلم وفي العمل يبخطط أن يأوكا مال دو لوي دوموندي pour que ce سيد يدوموند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سأولي إلي إيمي عند الله. هذا خلاصة القول. قال الشيخ الفوزان أي ليس الإله عند المشركين الأولين هو الخالق الرازق المدبر لأن هذا معنى الرب وفرق بين معنى الرب ومعنى الإله وفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا كله تقدم وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركين في زماننا أي زمان أي زمان المؤلف أي الإمام محمد ابن عبد الوهاب بلفظ السيد Et c'est la même chose à notre époque. وإلى الآن يسمون هؤلاء الذين يدعون صلاحهم ويتقربون إليهم يسمونهم السادة كالسيد البدوي والسيد الرباعي والسيد التجاني إلى غير ذلك. هذا معروف عند الصوفية المنحرفون أنهم يسمون هؤلاء سادة السيد. Dans certains pays, ils disent Sidi, Sidi Fulan. Même le mot Sayyid, ils le prononcent mal. Ils disent Sidi Fulan. Et Sidi Fulan, c'est Sayyid. Qala ya'taqidun anna ha'ula as-sada. Donc as-sada, c'est le pluriel de Sayyid. Lahum manzilatun 'inda Allah wa tu'ahhiluhum an yatawassatu lahum 'inda Allah wa tu'ahhiluhum أن يدعو من دون الله ويذبح وينذر لهم ويطاف بقبورهم ويتبرك بها. Ils ont prétendu à هؤلاء أن cette منزلة عظيمة, ce سيد, cette منزلة عظيمة qu'il a, on a le droit de lui demander certaines choses, d'accomplir des ibadat pour lui dans certains cas pour que ça nous rapproche d'Allah. Et ça c'est très très grave. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام والبروفيت صلى الله عليه وسلم سأفضل البشر c'est le meilleur des êtres humains. ومع هذا il a mis en garde toute la communauté de ne pas exagérer. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. N'exagérez pas sur moi comme ils ont fait النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في كتاب التوحيد أنه il a interdit de construire sur les tombes. Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala an la yaj'al qabrahu watanan yu'bad. Pourtant c'est le meilleur des êtres humains. Parce que ça serait permis. Limadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit d'adorer les morts, d'adorer les tombes. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a interdit d'adorer Allah azza wa jal dans un endroit où ha'ula al-quburiyyin as-sufiyya ils adorent autre qu'Allah. Qissat un rajoul qui avait fait un vœu, qui avait demandé de, qui avait fait un vœu de sacrifier un chameau dans tel endroit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé est-ce que fiha watanun min awthan al-jahiliyyah tu'bad. Quand il lui a dit là, il lui a dit oh fi bin adrik. Tu peux le faire. Mafhoum al-hadith annahu si il aurait dit oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aurait dit là. Pourtant c'est une adoration pour Allah azza wa jalla. Ma baluk adorer ha'oula. Qala فالمشركون الأولون يسمون هذه الأشياء آلهة والمشركون المتأخرون يسمون هذه الأشياء وصائت ووسائل وشفعاء والأسماء لا تغير الحقائق فهي آلهة. هذا كلام مفيد. المشركون الأولون إذا أبلسي لغ إدل آلهة اللات والعزة إلى آخر. À notre époque, ils vont pas dire c'est un ilah. لكن ils vont dire c'est une wasita. لكن في الحقيقة c'est la même chose. Les al-mushrikin à l'époque quand ils ont dit Aliha, ils n'ont jamais prétendu que c'était des créateurs là. C'était mimbab al-shafa' wa al-tawassul, les prendre comme intermédiaires. Les mushrikin de notre époque, c'est exactement la même chose. Fa al-ma'na hiya, c'est la même. Les prendre comme intermédiaires. Fa li hada, c'est des Aliha. Dans les deux cas, celui qui adore une tombe, fa al-haqiqa, il a pris cette tombe comme ilah. Ce mort, il l'a pris comme ilah. Comme divinité, c'est pour ça qu'il essaye de faire cette ibada pour lui. Même s'il prétend que c'est pour se rapprocher d'Allah, ça ne change rien. Celui qui veut se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il adore Allah, azza wa jal. Amma haoula, ils adorent autre tombe, ils prétendent l'inverse, ayyadam billah. Hakada al-mushrikoun. Il faut en faire attention à ces choubahs. Naktafi, et puis, hada, et on passe. Un autre deuxième box.